Exercice 3. Aujourd'hui, dans notre émission Voyage, Voyage, nous allons parler de l'île de la Réunion. Devenue un département français en 1946, la Réunion est l'endroit parfait pour les grands sportifs. Sur terre, vous pouvez faire de la randonnée, dans l'eau, de la plongée ou du surf, et dans les airs, du parapente. Vous pouvez aussi vous cultiver. Il y a de beaux musées et de grands jardins à découvrir. C'est une façon agréable de connaître le mode de vie des habitants. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, la randonnée est l'activité parfaite. C'est gratuit. Vous devez seulement acheter vos repas pour le midi. Attention, c'est une activité responsable et vous devez respecter la nature. Pour plus d'informations, appelez l'Office du tourisme au 02 62 41 83 00.